Ou derrière la nuque, Antoine. Mais éclate-toi. Mais on sait en plus, je sais pas, on le sait quoi, ce que ce gars il est comme ça. Non mais à chaque fois, hein, mais je le réinvite à chaque fois. Bonjour à tous et bienvenue dans la Plaise Émission. Comme candidat aujourd'hui, on a Bilal. Oui. Bonjour Bilal. Wow. Oh. Ah, c'est très bien. On a aussi donc Aurélien. Bonjour Aurélien. Ouais, bonjour. Ça va? Salut. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, bonjour. On a donc Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour. Ouais. On a également Myriam. Bonjour Myriam. Ouais. Bonsoir. Myriam. Ouais. Tu peux m'appeler comme tu veux. Ouais, ça va. Comme tu veux, ça va. Ah, je t'appelle Jean. Ah, oh, j'adore. Ok, mais c'est bon. Et j'ai exceptionnellement. C'est bien pour ça. J'ai exceptionnellement un assistant aujourd'hui. Je laisse planer le doute. Alors, j'ai un assistant qui s'appelle Alexis. Bonjour, Alexis. Merci à tous. Alors, moi, ce que je vais faire ce soir, c'est la déconne. La déconne. Tu vas surtout me casser les burnes, ouais. La déconne. La déconne, la déconne. Merci, Alexis. Pas trop. Alexis, la déconne. Merci. Donc. Comme cadeau, un magnifique cadeau que je vais pas gagner, puisque c'est ni plus ni moins que le DVD David Beckham, Une vie hors du commun. Ah. Oh là là. Mais à chaque fois, il joue dans le roi Arthur. Les trucs. C'est le roi Arthur. Non mais ah David oui c'est Beckham, vrai. Il joue dans le roi Arthur. Voilà donc David Beckham est l'homme de l'année. Sa coiffure, ses vêtements, sa femme et sa vie privée intéressent les plus grands journaux people. Ça se brûle pas. On s'en fout que le mec il soit footballeur après. Je peux voir s'il te plaît. Voilà. Donc, un DVD sur David Beckham. Oui, putain, c'est Chéros. Bilal, ça se brûle pas. Quoi? Non, c'est une bonne blague par contre. Non, mais c'est parce qu'il brûle la plupart de tes cadeaux. Oui, c'est vrai que t'as brûlé. T'as brûlé. J'ai eu peur, oui. C'est quoi que t'as brûlé, Jean-François? Ah, Jean-François Copé. Enfin, son bouquin. C'est bien dommage. C'est vraiment qu'on a entendu parler de lui d'ailleurs. 0,3% de Jean-Christ. Enfin, ça fait 0,3% de Brest. Il a eu plein de mots. Hein? Ah, plein de mots. C'est une merde de mots. Ah bien, ouais! Ah, mais oui, elle est trop! T'es trop cultivé! Bien joué! Donc, les règles du jeu, il y a 5 manches. Le début et la suite, la fin et la suite, il y a un éliminé. Le milieu, la presque fin, la fin, la presque fin, il y a un éliminé. Ouais. Et la fin. Ok. Ok. Ça roule. On commence par le début. 3 questions de rapidité, des questions où plus vous répondez tôt. Sa vieille main toute bourrée, quand même. Plus vous marquez de points. Et si arrête de chauffer les candidates, tiens, une bière. J'ai juste d'avoir un enfant, mais oui, c'est ça. Non, parce que tu lui prends la bière, tu lui ouvres, non. Tu lui prends la bière, tu lui ouvres en présentant l'émission. Non, pas pour répondre, vous dites votre prénom et vous attendez que je donne la parole. Oui. Pas le droit de donner deux fois de suite la de répondre deux fois de suite, pardon. Vous êtes prêts? Ouais. Pour 5 points. Ouais. Dans quelle œuvre? Charlie. L'œuvre. Ne pas surtout, toi. L'œuvre de Zola. Je peux en avoir un, s'il te plaît, merci. L'œuvre de Zola. Pas demandé, ouais. L'œuvre de Zola. Bah, c'est le titre du livre, il s'appelle L'œuvre. Est-ce que je pouvais en prendre deux? Cool. Pour 5 points, dans quelle œuvre? Aurel. Oui. Le rouge et le noir. Non. Putain, ça aurait été cool. Charlie. Le chaboté. Non. Pour 4 points, les dialogues sont-ils entièrement écrits en pentamètre iambique? En comment? En pentamètre iambique, c'est-à-dire en vers de 5 pieds. En pentamètre iambique, pardon. Indice, pensez à l'arrosoir. Tartuffe. Pardon? Non, c'est un indice ou pas lequel on est en train de donner? Non, absolument pas. Non, je dis, pensez à un arrosoir. Je sais pas ce qu'il dit. Tartuffe. Non. Pourquoi c'est un arrosoir? Bah, c'est plus chien. Aurel, le cid. Le cid, non. Dommage. Mais le cid, c'est Corneille. Pour 3 points. Oui, je sais, mais c'est. Enfin, pour 3 points. Les dialogues. Dans quelle œuvre les dialogues sont-ils entièrement écrits en pentamètre iambique, c'est-à-dire en vers de 5 pieds, par Sally Potter? Qui est également la réalisatrice de ce film. Pensez à un arrosoir. Arrête de dire ça. Arrête de dire. Arrête. Tu dois dire des bonnes drôles. Non, regarde pas la réponse, parce que tu vas commencer à faire chier le monde. Alors. Je trouve pas. Par Sally Potter, qui est également la réalisatrice de ce film. Wow. Bilal. Billy Joel. Non. Bilal Crystal, je voulais dire, pardon. Bilal Crystal. Non plus. Pour 2 points. Sorti en 2004 et racontant l'histoire d'amour entre une femme scientifique jouée par Joan Allen et un réfugié libanais joué par Simon Abkarian. On parle pas d'Émile Zola, putain. Non. Bah, mes indices n'ont pas. C'est un film. T'as pensé à l'Assommoir? Ouais, grave. Oui, à Arrosoir, l'Assommoir. Ah, non, d'accord. Non. Et pour un point, donc, dans quelle œuvre les dialogues sont-ils entièrement écrits en pentamètre iambique, c'est-à-dire en vers de 5 pieds par Sally Potter, qui est également la réalisatrice du film. Welcome. Non. Sorti en 2004, racontant l'histoire d'amour entre une femme scientifique jouée par Joan Allen et un réfugié libanais joué par Simon Abkarian, et dont le titre tient en un mot anglais signifiant oui. Charlie, yes. Bonne réponse de Charlie. Oh, il a été trop rapide. On est naze. Voilà. Moi, j'ai pas le droit de répondre. Ah oui, mais je suis naze. Ah, en fait, je suis bien tombé. Moi, j'ai... Tu réponds déjà. C'est seul à pouvoir réagir plus vite. Deuxième question. Putain, c'est du shit. Quel animal, pour 5 points, quel animal aquatique? Charlie, la otarie. Non. Aurel, le cachalot. Non. Charlie, le narval. Non. Pour 4 points, est le vertébré à la longévité le plus important? Aurel. Oui. La méduse? Non. Myriam. Oui, mais il vit vachement longtemps. Myriam? Oui. Le crocodile? Il est là. La tortue? Non. Le vertébré à la longévité la plus importante en 400 ans. Oui. L'hippocampe? Non. C'est vertébré l'hippocampe? Je sais pas. Villèle, la murelle? Non. 3 points. Vivant dans les eaux polaires de l'Atlantique Charlie, Nord. Charlie, l'espadon. Non. Elle mesure. Aurel, le saumon. Non. Elle mesure entre 2,5 et 4 mètres. Ah, Villèle. Le requin blanc. Non. Myriam, l'orque. Non. Villèle, la baleine bleue. Non. Aurel, Charlie, le morse. Charlie, Aurel, pardon. Le dauphin. Non, Charlie. Le morse. Non. Pour 3 points. 2 points, pardon. Tient son nom du territoire danois se trouvant près du Canada et signifiant terre verte. Villèle. Le Groenland. C'est animal. Le Greenland. Non. Charlie, le pingouin. Non. C'est quoi le rapport avec le territoire danois? Je sais pas. Pour c'est un vertébré qui va dans l'eau. Donc pour un point, je vous répète la question en entier. Quel animal aquatique est le vertébré à la longévité la plus importante, environ 400 ans, vivant dans les eaux polaires de l'Atlantique Nord et mesurant entre 2,5 et 4 mètres? Soyez rapide. Tient son nom du territoire danois se trouvant près du Canada. Soyez rapide. Signifiant terre verte. Et fait partie d'une espèce étant la protagoniste des Dents de la Mer. Bilal. Oui. Bah donc c'est le requin du Groenland. Bonne réponse de Bilal là. Oh, bravo. Bravo. Le requin du Groenland. Oui. C'est vivant le plus longtemps, environ 400 ans. Je sais pas cette version. Donc un point pour Bilal, un point pour Charlie. Dernière question du début. En 2011, pour 5 points. En 2011, pourquoi plusieurs comptes ont-ils été fermés? Charlie, une dénonciation. Non. Aurel, oui. La crise des subprimes. Non. Il est là à cause d'un hack. Non. Charlie, un changement politique dans un paradis fiscal. Non. Pour 4 points. Myriam, vas-y. Myriam, le lever du secret bancaire. Non. Pour 4 points, sur Facebook. Billet, parce qu'ils avaient moins de 13 ans. Non. En 2011, pourquoi plusieurs comptes ont-ils été fermés sur Facebook? Ah, Aurel. Des comptes Facebook. Aurel. Parce que les gens étaient morts. Non. Bilal. Parce que c'était des faux comptes. Non. Charlie, terroriste. Non. Pour 3 points, après que les propriétaires de ces comptes aient publié. Myriam, pour des propos racistes. Non. Bilal, pour de la nudité. Genre l'origine du monde. Bonne réponse de Bilal. Oh putain. Ils ont publié l'origine. Ils ont publié un tableau de Gustave Courbet qui est l'origine du monde, où on voyait donc un vagin et... C'est une bonne réponse de Miguel qui marque donc 3 points. Combien de comptes supprimés? Pour moi, merci. Ah, franchement, bravo. Bah, bien, ça va. Donc, ça fait à la fin du début, Bilal a 4 points, Charlie 1 point, Aurélien et Myriam 0. Allez. À la suite, 3 listes où ils font trouver les réponses sauf les plus évidentes. Aurélien, faut que tu te rattrapes. Hein, moi, un point par réponse trouvée, tant pour réponse, c'est bien, vous avez un point. Et on est éliminé à la fin de la manche. Okay. Je vous demande de me citer une carte se trouvant dans le jeu des 1000 bornes, sauf le feu vert. C'est Bilal qui commence, comme il a marqué le plus de points dans le jeu. Oh mon dieu, ça fait tellement longtemps. le sens interdit. Non. Voilà. Charlie. Feu rouge. Bonne réponse. Alors ça, je suppose que c'est un jeu auquel vous jouez beaucoup en famille. Bah, même temps, c'était sauf le feu vert, donc il y a un peu de feu rouge. Mais t'as jamais joué au Midborn? J'ai joué une fois. Je connais pas les cartes. Ok. Bah, crevaison. Bonne réponse. Ok, donc t'as déjà joué. Bah oui. Mais ça fait longtemps, donc. Une carte 500 bornes. Ça revient en une goutte. Putain, y'a pas! Non, y'a pas 500. Putain, je suis dégue! Bonne réponse. Charlie. Route secours. Route secours, bonne réponse. Aurélien. Ça met le bord. Station essence? Station essence. Mais tu t'augmentes les. Mauvaise réponse. Bah, y'a bien un truc avec l'essence. Oui, mais c'est pas la station essence. Charlie, t'as le droit, vu que t'es dernier des listes, t'as le droit à 3 réponses. Accident. Accident, c'est réparation. Une bonne réponse. Réparation, c'est une bonne réponse. Mais et, allez. Et camion-citerne. Camion-citerne, c'est une bonne réponse. C'est celui-là, putain. C'est lent, bravo, bravo, bravo. Il est encore increvable, c'est du volant. Oh là là. Il y avait le 10, on disait 10, 20, 200, alors, on disait hirondelle, tortue, lapin. Les kilomètres qu'on avait, c'est 25 km, la carte 50 km, la carte 75. Pas en fonction de l'animal, alors. Putain, je vais lire 100 km, ça, mais 200. J'ai voulu faire le malin. Il y avait donc, as du volant, comme tu disais, la carte essence, tout simplement. Ah ouais. La carte, panne limite de vitesse, limite de vitesse. Panne d'essence. Panne d'essence, increvable, prioritaire et réparation, comme tu disais. Donc, carte de pompier aussi. Et je tiens à dire, moi je suis pas dans la vanne, mais en vrai, bravo. Merci. Charlie a 6 points, Bilal 4 points, Aurélien 1 point, Myriam 0. Deuxième liste. Citez-moi une préfecture de France contenant un S dans son nom. Ah, merci mille pardon. Sauf Paris. Et c'est à Bilal de commencer. Lons-le-Saunier. Ah oh non, le... putain. Bonne réponse, Lons-le-Saunier. C'est à Charlie ensuite. Besançon. C'est un chef-lieu du coup. Oui, c'est une préfecture. Besançon. Oui, mais non. Mais... Besançon, c'est une bonne réponse de Charlie. C'est pour donner des indices à nos élèves. Aurélien. Rennes. Rennes, c'est une bonne réponse. Myriam. Nantes. Nantes, c'est une bonne réponse. Bilal. Marseille. Alors, hop. Marseille, c'est une bonne réponse. Toulouse. Charlie. Non, putain. Ouais, j'avoue que tu fais chier. Ouvi, Myriam. Je voulais dire Toulouse. C'est une bonne réponse. Ensuite, c'est à Aurélien. Nantes. Ah bon, merde. Attends, attends, attends, attends. T'es sérieux? Ouais. Ouais. Oh, Myriam, à toi. S'il te plaît. Moi, Castres. Castres, c'est une mauvaise réponse. Ah oui. Oh non. Bilal. Reski, là. Ouais, moi. Charlie, toi, il reste. La préfecture. Ouais. Putain, j'aurais dû écouter les autres. Ouais. Strasbourg. Bonne réponse. Reims. Reims, je pense. Hein. C'est une mauvaise réponse. Hein, ouais. C'est pas la préfecture. Donc, Bilal, tu devras encore à 3 réponses. Fou, ça. Question 7. Mauvaise réponse. Voilà. Et pas un tour, Bourges. Alors, il restait donc Amiens, Angers, Arras, Basse-Terre en Guadeloupe, Bastia, Beauvais, Blois, Bourg-en-Bresse, Bourges, Cahors, Carcassonne, Châlons en Champagne, qui est la préfecture de la Marne et par Reims. Il y avait Vesoul. Tour. Il y avait Vesoul. Vesoul, ouais. Je n'étais pas sûr que c'était Vesoul. Charleville-Mézières, Chartres, Digne-les-Bains, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Limoges, Mont-de-Marsan, Moulins, Nevers. Voilà, plein d'autres. Saint-Brieuc, Saint-Denis, Saint-Étienne. J'en ai marre, je me sabote moi-même. Citer un commerce hors restaurant et bar, donc c'est la dernière liste, sachant que Bilal a 7, Charlie a 8, Aurélien 2, Myriam 1. Un commerce hors restaurant et bar se trouvant sur les Champs-Élysées, sauf Abercrombie & Fitch. Ah, bah ça va, j'ai rien dit. Hors restaurant et bar. Attention, Bilal. Ah oui, Disney, le Disney Store. C'est tu peux répéter la question avant. Disney, c'est une bonne réponse. Tu peux répéter la question, s'il te plaît. Citer un commerce se trouvant sur les Champs-Élysées, hors bar et restaurant. Sauf Abercrombie & Fitch. Je suis un rapin. Charlie. Vanessa Secret. Non, Victoria's Secret, pardon. Mauvaise réponse. Quoi, ils ont ouvert un truc? Ah non. C'est chose... Ah si, oh, bah, attends, je suis au courant. T'es bien d'accord, vous avez abonné à la page Facebook. Non, je suis pas entendu misère. Parler en fait. Aurélien. Peugeot, la boutique Peugeot. Peugeot, c'est une bonne réponse. Je me souviens, on était allé. Pourquoi c'était là? Ouais, grave. Ah, il y a des belles voitures. Mais franchement, j'arrive pas à me souvenir pourquoi on est rentré dans la boutique. On est passé devant, on a vu une Formule 1, on est rentré pour voir à quoi ça ressemblait en vrai. Ah, ouais. On est sorti. Parce que c'était nul. Nike. Nike, c'est une bonne réponse. Bilal. Adidas. Adidas, c'est une bonne réponse. GTL. Ah ouais? Charlie. Ouais, parce qu'en fait, on est passé devant, puis il y avait des trucs Adidas. Mais Charlie, c'est bien. On est rentré, quoi. Mais La FNAC. Oui. C'est sauf quoi? Parce que j'ai pas envie de me niquer. Sauf restaurant et bar. Abercrombie & Fitch. Oh, bah, ça, de toute façon, j'aurais jamais pensé la à FNAC, c'est elle, non? C'est Virgin. Ah, c'est Virgin qui est fermée. Okay. Oh, bah, Myriam. Tu restes dans le coup pour pas t'éliminer. Zara. Zara, c'est une bonne réponse. Moi, ouais, j'en ai plus vraiment là. Moi, j'en ai un, mais je me souviens plus du nom. Putain, je sais plus ce que. Le truc de maquillage là, putain, je sais plus. Je sais plus le nom, mais ça parle de moi. C'est l'autre. Ça parle de moi sur Victoria's Secret. William Doré. Ça parle de moi sur Victoria's Secret et de maquillage. Il a mis j'aime aussi sur Facebook. Non, c'est parce que. Non, c'est parce que c'est ma passion. J'adore regarder des tutos make-up sur, sur YouTube. Écoute, j'aime bien me renseigner sur la façon de faire. Voilà. Tes petites vidéos YouTube. Un technicien. bon, non, je me souviens plus du nom, du coup, je vais dire autre chose. Putain, je le sais en plus. Moi je le sais. C'est le truc de maquillage là. Putain. Ouais, ça se trouve, c'est noir avec une écriture blanche là. Ça se trouve, il y est pas. Oui, je sais. Subway. Je suis passé devant. Pourquoi tu y allais? Je suis passé devant. Juste après Adidas. J'aime bien porter des. Après Peugeot. En étant bien mec. Dans une formule. Bon bah je sais plus. Du coup, je vais dire autre chose. Ah putain. Je vais dire Yves Rocher. Bonne réponse, Yves Rocher. Aurélien. J'hésite entre plein et je suis sûr que je le dis. Dis celui que je voulais dire là. Sephora. Voilà, c'est ça. C'est pas tant. C'est lui. Non, il n'y est pas. Sephora, bonne réponse. J'ai un peu peur moi, ils en sont où là? Je te dirais, t'inquiète. Aurélien est à 3 points de toi et Myriam est à 5 points de toi. Sauf par les restaurants, t'as dit? Sauf par les restaurants. J'ai encore un peu de chance. Est-ce que. Un endroit où on peut acheter un produit. Mais on peut aussi bouffer, mais on peut en prendre à emporter. Non, mais par exemple, McDo ça marche pas. Non, parce que, c'est pas ça que je veux dire. C'est... Moi je vais le tenter, je verrai. Ça peut te rassurer, t'as 7 points d'avance sur Myriam. Après, peut-être pas trop de risques depuis 10 ans. Après, peut-être qu'elle connaît bien les Champs-Elysées, voilà. Ça. Myriam. H&M. H&M, c'est une bonne réponse. Bilal. Je te passe. Ouais, c'est moi. Oui. La durée. La durée, bonne réponse. Mais. C'est un resto. Bah non, ils vendent, non, ils vendent des macarons. Putain, merde, je voulais dire la durée. Ah non, parce que tu peux pas manger sur place, c'est pas considéré comme. Tu peux manger sur place, mais tu peux aussi en emmener chez toi. Enfin, c'est plus reconnu pour les. Voilà. D'accord. Je sais pas, Etam. Tu vas chez Etam, toi? Non, mais je sais rien, c'est un nom qui me vient comme ça. Bonne réponse, Etam. Et bien joué. Je sais pas, je connais. Vuitton. Vuitton, c'est une bonne. Ah ouais, les trucs de luxe, putain, j'ai pas pensé, moi. Je suis trop un prolo pour penser à ça, moi. Ah ouais. Bilal. Hermès. Hermès, c'est une mauvaise réponse. Et là, donc Aurélien et Myriam, Aurélien a 6 points, Myriam a 5 points. Sachant que soit vous rattrapez Charlie, soit un de vous deux qui est éliminé. C'est chaud, j'ai fait quand même bien des points de fois, je commence bien si je me fais niquer quand même. Bien, c'est Victoria's Secret. Non, non, Milborn, ils vont bien monter. Ouais. Normalement, c'est la dernière que je me rattrape. Aurélien. Renault. Renault, c'est une bonne réponse. Myriam, la pression sur toi. Nescafé. Nescafé, c'est une. Ah, il me faut le nom exact. C'est pas Nescafé. Ça, tu devrais jeter, Antoine. Ah, un cappuccino là-bas. Antoine. Ah, ouais. Tu devrais éviter de faire ça avec le son. Ben, je sais pas, Nescafé Store, un truc comme ça. C'est pas comme ça que je fais. C'est juste qu'ils vendent des capsules de café. On a perdu le quand même. Est-ce qu'on n'a pas un autre? C'est la réponse. Ah, ouais. C'est toi le juge, hein, moi j'étais là. Ouais, je propose qu'on compte pas celle-là et que t'en dis une autre. D'accord, bon bah. Ok, vrai. Je vais en venir. Ça va, c'est bon. Ça va. Balenciaga. Au moins, comme ça, c'est réglé. Je crois qu'il est pas. Non. Ouais. Donc, il y en avait beaucoup. Il y avait des trucs cons comme. Mais attends, mais Aurélien encore. Aurélien qui peut passer devant Charlie. Des trucs cons comme Aurélien. Je sais pas. Chanel. Chanel, c'est une mauvaise réponse. Ah. Est-ce qu'il y avait Dior, y Jules Non, il n'y avait pas Jules. Il n'y avait pas Jules. Absolu, il y avait plein de trucs. Il y avait Boss, Célio. Il y avait Célio. Putain, merde. Citroën. Ah, oh, je suis sûr qu'il y a Victoria's Optical, Agendas, pas Victoria's Secret. KKS, la Brioche Dorée, je ne suis pas allé depuis longtemps. Je sais pas, j'ai mal à prendre. La Brioche Dorée, c'est pas considéré comme un resto. Ah, non. Apparemment, non, ouais, parce que tu peux emmener des trucs. Ouais. Mercedes, Micromania, Monoprix, Montblanc. Ah, Micromania sur les champs. Ouais. Oh, ouais, j'ai vu Doué sur 200 euros. The Couples. Oui. Voilà. Je me souviens de cette boutique, je trouve moins chier. À la fin de ces deux premières manches, Villet à 11, Charlie à 8, Aurélien à 7. Quel insoumis. Et Myriam à 5. Un dernier mot, Myriam. C'est à cause d'Alexis. Développe. Ça se tient. J'ai rien demandé, moi. Vas-y, si, ça se tient. Bah, j'avais Alexis qui était à côté de moi et qui a essayé de me tripoter tout le long. C'était pas facile. Oui, la police est en chemin, d'ailleurs. J'espère que la police va venir avec ses beaux pistolets. En tant qu'animateur, qui n'attendait rien à rien. C'est beau pistolet. C'est ce que disait Morandini. Pourquoi il est neuf? Et d'ailleurs, il en est où, lui? Je sais pas. Alexis va bientôt pouvoir nous dire. Ouais, il se fait sucer par des mecs de 14 ans. Oui, bah bon. C'est pas comme toi, à la bibliothèque pour une. Ah, c'est cool. Pourquoi t'as arrêté d'être bibliothécaire? Parce que je me suis fait virer. C'est vrai? Il n'y avait plus d'école primaire qui venait. Mais bien, c'était vrai. Un service civique et je me suis fait virer parce que j'ai jeté des clés sur un bureau. Mais non, parce que je détestais la bibliothécaire, elle me détestait aussi. Tu l'as fait. Ça va dans le rayon, tu fais la vie. Ah, mon moment. On passe donc au milieu. J'arrête d'être animateur, c'est bon. Oh non. Yes. Trois catégories représentant un lieu, un moment et un autre truc, et dont le thème commence toutes par en. Cinq questions chacun. Rien pas par bonne réponse. Donc, Bilal, comme tu as eu plus de points dans les deux premières manches, tu choisis entre un lieu, un moment et un autre truc. C'est pas un moment. Un moment. Bien, donc. Un moment, Bilal. On apesanteur. Pourvu que les secondes soient des. Moi, je chante pas. Tu la connais pas? Si, mais j'aime pas chanter. Quoi? Même du André Rieu? C'est parce que vous êtes là, en vrai, il adore chanter. Chanter du André Rieu. Je te laisse méditer sur ce que tu viens de dire. Je sais pas, imiter le bruit du violon trop bien, tu vois. Donc, un moment, en apesanteur, Bilal. Oui. Comment appelle-t-on un voyageur spatial américain? Je sais jamais lequel est lequel. Un astronaute. Bonne réponse. Cosmos, et Bilal. Cosmos, c'est français? Comment appelle-t-on un voyageur spatial soviétique ou russe? Un cosmonaute. Bonne réponse. C'est Bilal. Pas français, alors. Comment appelle-t-on un voyageur spatial francophone? Un spationaute. Bonne réponse. Oh là là. Bilal, comment appelle-t-on un voyageur spatial chinois? Un ching chong. Ça c'est raciste. Ça c'est raciste. Ah ben moi elle arrive au bon moment. C'est ça la différence. Non c'était... Attends, c'est bon je les connais. Un taïkonaute, merci. Oh là là. Oh là là. Mais quel regard. Oui. Allez, allez au suisse. Qui a écrit en apesanteur une chanson et un con qu'il a essayé de pécho dans un ascenseur? Calogero. Ouais, là c'est excellent. 5 points. C'est donc à Charlie de choisir entre un lieu ou un autre truc. Un autre truc. Ah putain, un lieu. J'espère que c'est le thème pute. En maillot de football. Oh yes. Quel club de football normand, le plus vieux de France, a adopté les couleurs bleu ciel et bleu marine pour son maillot en l'honneur des universités d'Oxford et de Cambridge? Quel club de football normand, le plus vieux de France, a adopté les couleurs bleu ciel et bleu marine? Le Havre. Bonne réponse, Charlie. Charlie, quelle était la couleur du deuxième maillot de l'équipe de France de football en 2008, couleur qui n'était plus apparue sur le maillot depuis 1969? Oh, j'y sais. Rouge. Bonne réponse. Ah, ouais, c'était... Charlie, mais de quel club espagnol les joueurs sont-ils surnommés les merengues, en référence à la meringue dont la couleur blanche fait penser à celle du Real de Madrid? Il y a eu cette question dans les grosses têtes cette semaine. Oh, putain. Les Reals. Je te jure que c'est vrai. Sur un avis, c'est vrai. Déjà, la première des émissions, tu m'as dit qu'il y a une question dans l'émission de Nuna, ça va être plus. C'est vrai. Le Real. Bonne réponse. Attends, le Real quoi? De Madrid. Le Real Sociedad. Le Real Sociedad. Ah, c'est faux. Charlie, quel club français est connu pour le scapulaire figurant sur son maillot bleu marine? Ah. Je peux... Qu'est-ce qu'un scapulaire? En fait, il s'étouffe, du coup, c'est sûr. C'est leur maillot? Pense à l'Empire romain. Pense tout court. On va dire la question. Quel club français est connu pour le scapulaire figurant sur son maillot bleu marine? Français, bleu marine, alors il y a Bastia, Bordeaux. C'est pas Le Pen. Ouais, on l'a déjà fait. Ah, on l'a déjà fait en chuchotant. Oui, mais lui. Merde. Lui. Je vais dire Bastia. Bordeaux. Scapulaire, c'est le triangle blanc. Ah, d'accord. Sur un maillot. Scapulaire. Et enfin Charlie, en quelle couleur l'équipe d'Italie joue-t-elle traditionnellement bleu. Depuis 1911? Bleu. Bonne réponse. En l'honneur, date à laquelle les joueurs ont voulu rendre hommage à la famille royale issue de la maison de Savoie, alors que ces couleurs figurent pourtant pas sur le drapeau national, le bleu. Charlie 4 points, Bilal 5 points, Aurélien, bon courage. Ouais. Merci. Un lieu donc? Bah, oui. En cours de physique chimie. Oh, je m'en suis tellement bien sorti, merci le foot, merci. Aurélien. J'ai l'habitude. Quel cycle naturel est enseigné en 5e lors de l'introduction à la physique chimie? Ah oui. Je sais pas. Le plus le connu. Attends, le cycle. Quel cycle naturel est enseigné hein en 5e Aurélien, de l'introduction à la physique chimie. Pense large. Fais pas les terminales. Large. Putain. Bah, je sais pas. Le cycle de la vie. J'en sais rien. Le cycle menstruel. Le cycle éternel. Le cycle. Moi je sais. Ah, le cycle menstruel. Le cycle de l'eau. Okay. Menstruel, mais en physique chimie. Aurélien, fais des expériences sur les tampax. Ah ouais, branché ce tampon. Allez, on prend une prise. C'est le sang de règle qui met sur le front de ses mains. C'est incroyable. Aurélien, sang de la... quelle est la formule de l'eau? O2. Non. J'ai répondu, c'est une série de H2O. H2O, ah, c'est oui, vrai. Bah, ah, c'est vrai en plus. Oh mon dieu, dire. C'est vrai. J'ai répondu avec les sirènes. Non, quoi. Est-ce qu'on lui compte ou pas? J'ai dit O2. Oui. Très ah, O2, c'est l'oxygène. Oui, parce que c'est mon copain. Je le sais que c'est le H2O, mais j'ai dit O2 comme un gros con. C'est l'oxygène. Allez, par contre, si je perds un point, il compte pas. Aurélien, quel appareil de laboratoire utilise-t-on pour produire une flamme afin de chauffer des préparations stérilisées? Bec benzène. Bonne réponse. Pour brûler des substances, le bec benzène. Aurélien. Dans quelle série américaine Bryan Cranston joue-t-il le rôle d'un professeur de chimie se lançant dans la confection de drogues? Je l'ai pas vu, mais c'est Breaking Bad. Bonne réponse. Et enfin, Aurélien, oui. Que signifient les initiales PH? Ah, ça, c'est la question pute. Attends. Polystyrène. Non, c'est putain de merde. C'est ça. Tu l'as su? C'est PM, ça. Le PH, non, c'est le... Je crois que c'est ça. Je pense avoir le H. Attends, c'est... Le papier. Non, putain, c'est le... Le papier pH. Je sais. Justement, là. Le pH. Justement, il y a deux trucs avec le pH. J'avais pas compris. C'est les portugais qui prennent l'autoroute. Le pH. Aurélien, il y a deux trucs avec le pH. Oui, il y a deux. Soit c'est ça, soit c'est ça. Ah, merci. Ah bah. Ouais, j'ai pas eu de réponse. Ah, c'est ça. Mais... Je sais pas. Quelqu'un savait? Je crois que c'est hydraulique. Non. Bah, je sais pas. Phosphate. Le potentiel hydrogène. Oh. Ah, mais oui. Okay. Après cette très bonne manche du milieu, on a 5 points pour Bilal, 4 pour Charlie et 3 pour Aurélien. Bon, les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. On se régale. Putain, on rigolait bien. Ah, ouais, c'est il y a toujours un machin qui vient et fait hey, je suis là, j'existe! Non, t'existes. Oh là, elle est partie! Attends, t'es question! Oh là, elle est partie, putain! Sébastien, ça va! Parce que. On baisse d'un ton! Alors, la presque fin: 3 catégories homophones, 5 qui sont chacune, un point par mois. Non, homophone. Non. Où tu te tais. Voilà. Bilal, tu commences à choisir les catégories, c'est livre ou livre? La 3. Je veux pas. Salut, la monnaie. Je suis Amazon, je livre. Ouais, moi en plus. Je veux pas la monnaie. Bilal, selon l'UNESCO. Je prends pas la monnaie. Selon l'UNESCO, combien de pages minimum fait un livre hors couverture à 10 pages près? Mais ça dépend si c'est Michael Page qui lit le livre ou pas. Ouais, bonne chance. Moi j'avais 42. Je t'ai pas écouté. Non mais il n'y a pas de 2200 donc. 50? C'était 49, bravo. Ah, combien de pages près c'était? Un enculé. Bilal, comment s'appelle la science du livre? La bibliologie. Oh là là là là là là là là là! Il a dit quoi? La bibliologie. Oui, ça semble. Bilal, quel aspect du livre la loi langue encadre-t-elle depuis 1980 pour protéger les libraires individuels des grandes enseignes? Sur moi, c'était le thème pute, ça. Bonne réponse. C'était le thème pute. Bah, il est tout juste pour le thème pute, hein. Ah oui, c'était vraiment le thème pute, hein, ça me rassure un peu. Comment appelle-t-on l'acteur chargé de suivre l'écriture d'un livre, de le mettre en page, de le faire imprimer et de le distribuer? L'éditeur. Bonne réponse. Oh là là. Ah, attention. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a encore le double grand chelem sur le milieu? Ah, c'est ça. C'est jamais arrivé. Bilal, comment appelle-t-on un livre faisant partie d'une œuvre répartie en plusieurs ouvrages? Oh putain. Oui, oh attends. Comment s'appelle ça? Non, mais c'est en plus. Ouais. Une saga. Ah, non, un. Bon, vas-y. C'est un tome. Un tome, tout simplement. Tout simplement. Ah, j'aurais dit un voleur. C'est bon, hein. Je suis... Dommage. Ouais, c'est... T'es le mec qui fait 9 strides tapés. Et à la fin, tu... Le... Tu fais la rigole. Ouais, c'est pas rigole, grave. Merci. Tu le savais. En fait, t'es à chier. Non. Oui. Charlie. Oui, le 1. Livre 1. J'espère que c'est la monnaie. Arrondi à la centaine de grammes près. Ah, c'est la masse. Combien de grammes représente une livre? 0,5. Combien fait une livre? 0,5 quoi? Attends. Si tu ne dis pas l'unité... Une livre? Bah, il t'a dit 0,5 grammes. T'as dit combien de grammes? Il a répondu 0,5. Attends, j'ai un doute. À la centaine de grammes près. Oui. À la centaine de grammes près? Voilà. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai dit. Voilà, voilà les grammes. À la centaine de grammes près, voilà. Arrêtez de nous moquer. À la centaine de grammes près? Ah bah, 500. Bonne réponse. C'était exactement... 0,5 kilos. 500, je vais pas noter comment c'était exactement. C'est 495. Charlie, quelle monnaie est actuellement la plus ancienne en circulation? La livre. Une pronom exact. La livre sterling. Bonne réponse, Charlie. Charlie, au dixième d'euro près, combien vaut une livre sterling? Donc ça, je te demande pas. Il n'y a pas un écart de réponse, tu arrondis. Je suis en stress. Non, pardon, au dixième d'euro près, combien vaut une livre sterling? Excuse-moi. Je suis en stress. C'est pas... Je pense que ça va, mais je suis pas sûr. Je me souviens déjà si on a plus ou moins. Je me souviens à peu près combien c'est. Pour 0. En euros, combien on a? En livres. Attends, combien une livre. Une livre en euros. En euros. 1, attends. Ah putain, j'ai. Si, 1,2 euros. Non. 1,35? Non, 0,87. Oui, ils m'ont gazé dans le placard avec des déodorants. Non, oui, dans ma chambre, ils m'ont foutu dans le placard, ils ont foutu plein de déos. Du coup, la nuit, je me suis vengé. Je me suis vengé. En fait, j'ai pris leur slip et je leur ai mis sur la tête pendant qu'ils dormaient, je les ai pris en photo. Ah, mais t'es génial! Comment t'as fait pour pas qu'ils se réveillent? J'ai pris en photo. À discrétion. Comment t'as fait pour prendre leur slip? J'avais un portable. Non, j'avais mon appareil. J'avais un vrai appareil photo. Monsieur. J'ai pas ou avec une carte SD? Tu veux me faire tes yeux, s'il te plaît? Oui, là. Merci. Et moi, si j'avais fait ça, on aurait dit, oh, tu perds le film, mec. Là, tu perds le film. Oui, mais c'est marrant ce que je dis. Oui, c'est intéressant. Et les gens aiment bien les trucs marrants. Oui, mais ils voulaient qu'on parle de lui, là. Ah. Bah, il y avait Alexis, et puis. Le gagnant. Voilà. En fait, il était pas. Quel est le symbole de la livre sterling? C'est un L avec une barre. Bonne réponse. Et enfin, Charlie, si tu réponds bien, t'es sûr d'être en finale. Et donc, tu élimines Aurélien. Quel est le pluriel de penny représentant un centième de livre? Des pénis, non, des pens. Oh là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là pour l'honneur. Bravo Charlie. Pour pas j'ai là là pour là. T'as rien de putain de culture. Ouais bah c'est rien pour toi. Si je fais tout à la suite, et ben ça sera pas bon. Elle va vous battre puis on voit s'il va en finale. Ouais, bon bah je me rends. Aurélien, qui est l'auteur de la phrase « Qu'importe le flacon pourvu qu'il ait l'ivresse ?» Je sais pas. Un mec un peu bourré quand même, non? J'en sais rien, moi. Pierre de Coubertin. non, le Capitaine Morgan, le gars sur les... sur les trucs de Rome, là. Non, c'était Alfred de Musset. Non, c'était Old Nick. C'est Jack Daniel. Ah, monsieur, chez les Romains, Aurélien, oui, qui est le dieu de l'ivresse? Bacchus. Bonne réponse. Ah, je crois que c'était Alexis. Ah non, c'est chou. Aurélien, d'après l'expression. Ah, de l'ivresse. Ouais. Ah, le salaud. Ah ouais, d'accord. Mon dieu. Ouais, il est allé loin, lui. Aurélien, d'après l'expression, de quoi est fait la gueule d'une personne ayant trop bu la veille? En bois. Bonne réponse. Aurélien. Quel gaz provoque l'ivresse des profondeurs en plongée sous-marine du fait d'une pression trop importante? C'est pas l'H2O. Non, c'est l'oxygène? Non, c'est l'azote. Mais... Ah, j'allais dire l'azote. Et enfin, Aurélien, quel chanteur belge interprète un homme ivre dans sa chanson « Agen » où il apprend par un enfant de cœur à l'enterrement de sa femme que celle-ci le trompait avec son chef? Tu connais Antoine, tu le sais? Un chanteur belge? Parfaitement, t'as Agen. Mmh. Ah. J'ai mis si bien ça. Oui, grave. D'abord. Ouais, Jacques Brel. Ouais. J'allais dire Pascal Bertrand. il m'a reconnu direct. Hein. Putain. été éliminé, donc avec 6 points. Il y a un très gros niveau quand même. J'ai rarement vu un gars. En vrai, bravo à tous. 8 points. Bravo. Vraiment, super niveau. Toute la culture, bravo. Aurélien, un dernier mot avant ton élimination. Je suis plus fier là que celle d'avant. Merci. C'est un bel enseignement sur la vie. Je suis moins bon que si j'avais été moins mauvais. C'est quoi ta phrase déjà que tu disais? C'est mieux que si c'était moins bien. Faites comme il dit. Ça fait moins que là. Il nous reste donc la fin. Bilal, comme tu as le plus de points, tu choisis si la finale se joue à la rapidité ou chacun son tour. Chacun son tour. Oh, prends des risques. Très bien. Donc, 10 questions allant de 0 à 9 ayant un rapport avec le chiffre concernant la question. Une bonne réponse à 1 point et le premier à 3 points à gagner. On gagne quoi déjà? Vous gagnez le DVD sur la vie de Gaspard. Ah, vous êtes tellement une vie hors du commun. On voit quand même en gros plan lui et sa meuf et en arrière-plan lui qui joue au foot. C'est vrai? C'est vite vrai. Ça va, t'aimes, tu vois, un match belle. Quel est le surnom de Victoria d'ailleurs? Ah voilà, ah voilà. C'est pas vraiment prochaine question, je sais. C'est pas Vicky. Non, c'est pas ça. Je suis pas mal. Ah, c'est ça que j'ai chanté dans ton appart. Voilà. Ma grand-mère, elle est voici. Il a chanté avec ta mère? Oui. Putain. Tu sais bien que j'avais perdu pour une bonne raison. Bilal, comme t'es le plus de points sur les deux dernières manches, tu choisis le premier. Bilal. Qui joue Spider-Man dans la trilogie réalisée Charlie. Par... Non, Charlie. Qui joue Spider-Man dans la trilogie réalisée par Sam Raimi? Tobey Maguire. Bonne réponse. Il n'a pas dit Bilal. Il est génial, Tobey Maguire. Je l'aime pas non plus, je préfère Andrew Garfield. Il ressemble trop en plus, Aurélien. Quoi? Ah, s'il lui ressemble. Ah, s'il lui ressemble. Non, mais il fait ressembler Marie à... Spider-Man, à Harley Quinn. Ah oui, ça... Mais, non. Nathalie Arthaud qui ressemble à Marie Party, pas trop, non? Bah si, mais non. C'est moi avec mes ressemblances. Ok. Charlie, tu ressembles à de la merde. Le 5. Le mec. 1-0 pour Bilal donc. Charlie. Andrew Garfield. Quelle technologie de télécommunication devrait être commercialisée en 2020? La lettre. La 5G. Non, réponse de Charlie. La télépathie, putain. Très bien joué. Bilal. C'est moi. 2020? Il a répondu quoi? C'est tard. C'est 0. Quel vidéaste a sorti le livre dont vous êtes le 0 en 2016? C'est très drôle. Cyprien? Non, que Mar. Ah. Charlie, tu veux prendre l'avantage? Le 7. 7. Quelle route de vacances a été chantée par Charles Trenet en 1955? Là, c'est abusé par contre. J'aurais pas su. Je suis pas sûr qu'il le sache. Non, j'aurais pas su non plus. Redis. Quelle route de vacances a été chantée par Charles Trenet en 1955? En fait, j'ai plusieurs. C'est vraiment la route des beaux. C'est tout. C'est la finale, Alexis. Tu devrais y aller. Faut laisser les candidats avec eux. Et il saura pas. En fait. La route, hein. Nos routes, une simple route. Quoi. C'est sûr qu'il saura pas. Genre la RN 1089. Quoi. Non, mais genre, moi, je pense à l'autoroute maintenant. Pourquoi pas? Oh, la 6. C'est gros, genre, ah, c'est la 6. Ah, ouais, non, je pensais à la 7. Donc, de toute façon, je pensais que la route du soleil, enfin, l'autoroute du soleil, c'était la 7. Je vais dire. La promenade de Saint-Tropez. Alors, l'autoroute du soleil, c'est la 7. Mais là, c'était la National 7. On va pas passer loin, là. Ouais. Ah, National 7, ça aurait marché. National 7, ça aurait marché. Ouais. National 7, vraiment. Putain, je pensais qu'il avait un nom spécial en fait. Je pensais que c'était vraiment la National 7, mais il y avait un nom spécial. Ah, putain. Bilal, tu peux rattraper, tu peux reprendre l'avance. Ah, mais il parle pas de la route. C'est ça qui m'a perturbé avec la 6. En fait, la 6, elle va sur Paris. Enfin, c'est Bilal. Oh, pardon. Ah, tu m'as perturbé. D'après le titre de la chanson de la chanteuse allemande Nena, il y avait 99 quoi? Ah, ballon rouge. Bonne réponse. Oh. Mais non. Non, attends. Mais c'est pas ballon rouge. Ballon, alors, pas. Non. C'est pas ballon rouge. Tu veux me dire en allemand? Non, si j'ai la réponse sous les yeux, c'est un avec ballon rouge. Hein? 99, Red Loof Balloon. Vas-y, vous avez quoi? 99, c'est Schloof Balloon. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est Schloof entre. C'est Schloof. Ça va pas dire Ballon Rouge. C'est Loof. Non. Loof Story. Si, j'ai dit Red Loof Balloon. C'est bon, c'est Schloof. Ah non, mais t'as dit Ballon Rouge, c'est pour ça que je disais. C'est pas. Mais il a dit Red Loof Balloons. Ouais, mais il y a déjà pas Red, donc il y a aucunement les ballons rouges dedans. C'est des ballons gonflables. Oui, d'accord. Personnellement, si, j'ai fait espagnol, moi. Alexis, un avis? J'ai envie de dire que déjà c'est de l'allemand, donc ça n'a rien à voir. Et en plus, ça n'a rien à voir avec le ballon rouge, c'est le Loof Balloons. C'est-à-dire quoi, le Loof Balloons? Ok. J'en sais rien, mais c'est de l'allemand, Luft. Donc je vais être la seule personne ce soir qui n'aura pas donné un point gratos. Non, moi, on n'a pas donné. Et à Charlie, à qui j'ai donné un point gratos parce qu'il n'a pas répondu juste après. Quand? Non, non, j'accepte pas. Non, si, si. Tu m'as donné quand un point? Non, mais si, c'est bon. Tu m'as donné quand? On verra si c'est joué. Je préfère la mériter. On verra si c'est joué. En vrai, tu ne devrais pas accepter parce que là, tu avais faux. Voilà, j'avais faux. Charlie, je vais signer un numéro. Le. 8. 8. De toute façon, je n'aurais pas bien répondu. On en parlera après. Quel professeur... Non, je crois pas, non. Quel professeur de chant était la directrice de la 8e saison de la Star Academy? Non, mais génial. Quel professeur de chant était la directrice de la 8e saison de la Star Academy? Jennifer. Non, c'était Armand Altaï. Putain, mais je savais. J'avais la tête, mais j'avais pas trouvé. C'est bon. Bilel, il reste 1, 2, 3. Pourquoi t'as embauché un arbitre là. Il reste 1, 2, 4 et 6. Du coup, on est... il a eu le point ou pas? Non. Voilà. Non. Non. Il a refusé, puis voilà. Et c'était normal. Bilel. Quel Quel groupe a composé One, chanson tirée de leur album Hartung Baby, sorti en 1991? Hartung Baby. Hartung Bicyclette. C'est laissé. YouTube. Charlie, il te reste 2, 4 et 6. Moi, j'étais sur Tokyo Hotel. 6. Tokyo Hotel. C'est mousquetaire. 91. Alors, Charlie, combien font 6 x 6 moins 6? Sérieusement? C'est tellement abusé, quoi. 30? Bonne réponse. J'ai eu une chanson là, j'ai quand même envie. Bah alors, franchement, si je gagne sur ça, c'est abusé, je suis d'accord. 2 ou 4, sachant que tu as refusé ton point, si tu réponds mal, t'as perdu. Ok. 4. Combien de tours de piste sont effectués lors d'un 4 x 100 mètres? 1. Bonne réponse. Oh oui, bien joué. Donc Charlie, soit tu réponds bien et t'as gagné, soit tu réponds mal, et vu que vous êtes ex aequo, c'est Bilel qui a gagné parce qu'il a marqué le plus de points sur l'ensemble de la désémission. Je me suis pas déjà fait niquer comme ça une fois, je crois. Charlie. Oui. Quel nom la station de radio Europe 2 a-t-elle pris le 1er janvier 2008? C'était son con, le DVD de David Beckham attend son vainqueur. Après Europe 2. Quel nom la station de radio Europe 2 a-t-elle pris le 1er janvier 2018? Bilel, tu sais, tout à l'heure? Ou Aurélien? Je crois que je sais. Moi, je pense que je suis. Non, je sais pas. Je me souviens plus. T'as tout à l'heure la réponse avec Sidon, tu sais. Mais... Non, j'ai pas lu. C'est le nom du. C'est un nouveau nom. Ah, je peux avoir un peu de temps comme c'est. Ah oui, c'est. Attends, il y a quand même un gros. Ok, Europe. D'accord, vas-y. Ok. Europe 2, en quelle année? En 2008. 2008. Frick. Waouh, c'est facile ou pas? Enfin, c'est moyen. Hein. Ah, je veux dire, c'est pas une radio pas connue, quoi. Genre Jazz FM. Ça se joue trop. Il y a trop d'enjeux. Beaucoup de choses en jeu quand même. J'aime ton respect, Eric. Putain, mais David Beckham. Il jouait à Comme des femmes. Oui, c'est vrai. Non, j'ai pas vu le temps. C'est vrai. Fun Radio. Et c'est une mauvaise réponse de Charlie. Et bien, elle la remporte, puisque c'était Virgin Radio. Ah oui, bah. Mais Virgin, ils sont pas dans le groupe RTL? Ah non, c'est alors. Fun qui est dans le groupe RTL. C'est donc, Fun dans le groupe RTL et c'est Virgin. Ouais. Bravo. Ah, bravo, bien. Charlie, un petit mot pour la finale, t'as trop déçu? Ah, si, un petit peu, je savais pour Virgin. Ah, j'ai confondu les groupes. Ah, fais chier. Mais il est trop fort, Charlie. J'ai confondu les groupes. Ouais, non, il est super fort. Bilel, un mot pour cette nouvelle victoire. Je suis très heureux d'avoir gagné face à un tel adversaire. Merci. Ah, c'est beau. Ah, oui. Bravo. Le niveau de cette émission était très très haut. Bah, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour la prochaine de vos séries. C'est toi? Merci. Merci. Non, merci. Allez. Arrêtez de vous sucer. Non, c'est toi. On se On se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle des émissions. Oui, quand ça? Bah, dans pas deux semaines. Tu m'en pas les fichiers. Est-ce que je peux avoir une date exacte, s'il te plaît? 24 septembre 2017. Ok, merci. En attendant, gardez la pêche. Et n'avalez pas le noyau. Bravo. Ah, j'ai la haine, putain. Ah, t'es dégoûté. Ah ouais. Quel niveau Bravo. Ah, j'ai trop la haine. Ah, vous avez été super bon.